The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To settle down. S'installer. Monte Carlo. Monte Carlo. Tax haven. Le paradis fiscal. Every now and then. De temps en temps. To get tired of. Se lasser. For. Pour. Casino. Le casino. To see again. Revoir. Rose ball. Le bal de la rose. La rumeur. Now, a bit faster. Casino. Le casino. Tax haven. Le paradis fiscal. Rose ball. Le bal de la rose. For. Pour. Rose ball. Le bal de la rose. For. Pour. Monte Carlo. Monte Carlo. La rumeur. Tax haven. Le paradis fiscal. For. Pour. Tax haven. Le paradis fiscal. Casino. Le casino. Monte Carlo. Monte Carlo. Rose ball. Le bal de la rose. Casino. Le casino. Rose ball. Le bal de la rose. Casino. Le casino. La rumeur. To see again. Revoir. For. Pour. Now, use the words in context. S'installer. Je rêve de m'installer au Japon. S'installer. Je rêve de m'installer au Japon.